je pense qu'il y a deux idées très importantes dans l'hypothèse du débat entre la physique et les sciences humaines, pour aller vite, qui ont été avancées, donc je voudrais les reprendre au vol pour qu'éventuellement on y revienne. Premier débat, l'épistémologie. Bon, je crois qu'effectivement, la question dans le dialogue, c'est quelles sont les manières de faire de la science, respectives de la physique et des sciences humaines. Et en particulier, on voit bien que la question nomologique, c'est-à-dire la question de la découverte de lois qui sont à la fois théoriquement mathématisables, etc., et axiomatiques, mathématiques, et d'autre part observables empiriquement, et entre guillemets donc vérifiables, est quelque chose qui nous est quasiment interdit, en fait, qui n'existe pas dans les sciences historiques. Il n'y a pas de loi de l'histoire qui s'applique absolument à toutes les civilisations, les époques, les formes, etc., etc. Et donc, il y a un dialogue entre une science nomologique qui a des lois universelles, intangibles, etc., etc., et qui utilise le temps dans ces lois comme, je veux dire, une variable T qui s'impose à la formalisation et à l'observation, alors qu'il n'y a pas l'équivalent dans les sciences humaines et sociales, sauf éventuellement peut-être dans les neurosciences et dans l'étude cérébrale, mais je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait des points communs entre tous les cerveaux et qu'il y ait dans le génome quelque chose qui ressemble à des lois de la physique. Ça, c'est la première chose. Nous n'avons pas la même épistémologie, et donc il faut discuter entre épistémologies différentes, ce qui n'est évidemment pas facile, et qu'il faut reconnaître qu'il y a diverses catégories de sciences. Et je dis catégories parce que c'est le deuxième terme qui me paraît très important, soulevé par Jean-Michel, je crois, tout à l'heure. Qu'est-ce que le temps ? Le temps est bien une catégorie. C'est une catégorie absolument, transversale, absolument énigmatique, absolument transcendant tout ce qu'on veut, etc., qui n'a pas le même sens dans les sciences humaines et sociales. Historicité, et l'histoire est une chose, le temps, la temporalité physique en est une autre. Et donc nous avons tendance à parler du temps comme on parle de l'histoire, et à penser que le temps c'est un début, un milieu, une fin, comme j'allais dire toutes les histoires, et de mettre tout en histoire. Or, on en discutait, je crois, avec Jean-Michel ce matin et tout, la physique ne met pas le temps en histoire. Il n'y a pas d'histoire du temps. Il me semble que le temps ne doit pas être considéré comme une substance. Je pense personnellement que l'histoire de la philosophie, de la connaissance, des sciences, de tout ce que vous voulez, cognition, c'est une lutte perpétuelle contre la substance, ce que vous appelez, je suis entièrement d'accord avec vous, l'essentialisme. C'est-à-dire le fait qu'il y ait, comme le pensait Platon, des idées éternelles, des substances et des essences correspondantes à ces essences. Et je crois que un des problèmes communs à ces épistémologies pourtant très différentes, c'est le problème de passer de la substance à la relation. Et vous dites à un moment donné, il y a deux représentations en physique qui se concurrencent. Il y a une représentation substantialiste et il y a une représentation relationniste. Hein, je ne parle pas de la relativité d'Einstein. Je dis priorité aux relations sur les substances.